beaucoup de gens se moquent de moi ou de toi par exemple, mais on est dans le réel parce que vu ce qui se passe à l'heure actuelle, ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Mais cette moquerie, moi je la vois comme un refuge un peu. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là, comme on arrive à un moment de vérité où les choses sont deviennent trop. Deviennent plus niables, on peut plus les nier, et ben ils se réfugient dans la moquerie et dans des trucs très mesquins parce qu'ils ont que ça comme recours, tu vois, ils peuvent pas débattre de bonne foi. Tu penses que c'est que de la moquerie parce que le gars qui est avocat ou le gars qui est médecin mais qui est aussi cynique et pervers, il se moque aussi, tu penses? Ah oui, non, il y a pas que de la moquerie, mais chez certaines personnes, il y a c'est-à-dire un refuge dans... Un mépris, en fait, c'est ce que tu veux dire. Bah, c'est-à-dire que pour pas voir la réalité qu'on leur met sous le nez ou pour fuir le réalisme auquel on les invite et rester dans le confort de leur bisounoursisme, eh bah, ils se réfugient. Et surtout le confort matériel qu'ils ont parce que voilà quoi. Ils sont des matérialistes en fait. Hein. Ouais. Bon après les spiritualités qu'ils vont avoir, ça va être des spiritualités déviantes, perverties. Parce que bon, après, ils peuvent s'intéresser à des choses dites spirituelles, mais ça va être dans le mauvais sens, quoi. Donc, Mais tu sais quoi, je vais te dire une anecdote. Là, aujourd'hui, j'étais chez le dentiste. Oui, alors, ouais, c'est bien passé, ouais. Ouais, ça va, c'est bien passé, mais je suis triste parce que, voilà, quoi, j'ai deux dents. Lui, il pense qu'il y a deux dents, mais la deuxième, il n'en est pas sûr. Mais la première, par contre, ouais, elle n'est pas bonne, quoi. Et je suis dégoûté, quoi, parce que moi qui prends soin de mes dents, voilà, quoi. Et il m'a dit, non, ça arrive à tout le monde d'avoir une carie. Et j'ai de la chance parce que moi, la carie, elle s'est développée, mais elle n'a pas touché les nerfs. Donc, j'ai de la chance. Donc, il va mettre une couronne. Putain, mais Jonathan, mais je ne savais pas, mais le dentiste, c'est cher. Hein. Ah ouais, wow. Bah oui, dès que tu as une couronne, ça y est, hein, ça monte. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Parce que une couronne, là, j'ai regardé les prix, ben, j'ai le papier devant moi. Ça peut monter à 500, voire 1000 euros, quoi. Waouh. Ah ouais. Putain. Ah ouais, elle prend ça dans les dents. Je sais pas comment je vais faire. Moi, je lui ai dit à ma mère, je vais essayer de le payer petit à petit, de négocier avec lui parce que j'ai pas les moyens, moi. Bah ouais, c'est immonde. Putain, c'est dégueulasse. En plus, t'as été responsable. Encore quelqu'un qui aurait une mauvaise hygiène, qui aurait un je m'en foutisme vis-à-vis de l'hygiène dentaire, on dirait, bon, il paye le prix de son je m'en foutisme. Mais ma mère, elle me disait tout à l'heure en voiture... Elle me disait, Joël, mon fils, c'est là que toi, t'as pas connu ça, t'as dû le connaître, mais on a passé direct à l'euro. Mais avant, avec le franc, on pouvait tout faire. Que maintenant, avec l'euro, ils ont tellement abusé avec l'euro qu'ils ont tout augmenté les prix exprès, et etc., etc. Et elle avait raison. Pour une fois, ma mère, elle a commencé un peu à s'éveiller, à se réveiller, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'avec l'euro, ils nous ont bien entubés, hein, puisque ça... Mais attendez, parce que tu compares le franc et l'euro, on nous a bien entubés, et c'est normal. Je vais te mettre l'extrait de Jacques Attali, il a dit que on a fait exprès de mettre l'euro, il le dit lui-même. Hein. Ah, c'est là qu'on voit ce mec qui a un gros pouvoir, il dit dans une interview qu'on a fait exprès de mettre l'euro, et on a oublié aussi de... Il a dit quoi? Il a dit on a oublié de faire la loi pour en sortir. C'est gravissime cette vidéo là. Je la mettrai parce que c'est une très très vieille vidéo. C'est pas hallucinant ce que dit ce mec. Ben, venant d'un démon, d'un diable, antéchrist, destructeur surtout de la France et des nations, ben, c'est normal. Hein. Non mais il savait très bien que psychologiquement les gens allaient prendre un euro, faire l'équivalent, c'est-à-dire prendre un euro pour un franc, alors que c'est pas du tout la même valeur. Donc ça fausse le sens des valeurs au niveau de l'argent. Et du coup, oui, les gens se retrouvaient à... Puisque l'unité est changée, l'unité de valeur est changée. Donc, ouais, mais c'est un gros problème. Moi, je me souviens au tout début, dès qu'on est passé au franc, il y avait des gigantesques manifestations, des gens qui n'en voulaient pas. Donc, t'as dit quand on est passé au franc, oui, à l'euro plutôt, oui. Non, mais oui. Oui, à l'euro, excusez-moi, mais il y a eu d'énormes manifestations. Oui, il y a eu une manifestation de récalcitrance d'envergure, mais comme d'habitude, dans leur mentalité dictatoriale, ils ont de dictateurs, ils ont ignoré. Mais comme d'habitude, l'élite n'écoute pas le peuple, donc voilà quoi. Bah ouais, après, ce qui est le plus grave, bon, il y a l'élite qui n'écoute pas le peuple, mais ce qui est le plus grave, c'est que les gens ensuite ne tiltent pas et ne se disent pas Bah merde, comme ils nous ont pas écoutés, on va arrêter de voter. Bah non, non, ils ont continué de voter quand même et de voter pour les mêmes ils qui ont les écoutent voté pas. Chirac, bah voilà. Blabla, Hollande, Sarkozy et compagnie. Non, mais ce qui moi, ce que je trouve ça grave, c'est qu'ils tiltent, mais plus tard, 20 ans ou 30 ans plus tard. C'est comme ça, j'ai remarqué. Toujours. L'indignation je sais pas à rebours. Comment manquer des Français, Jonathan, mais c'est typiquement l'espèce humaine en général, on peut dire. Qu'ils tiltent, l'espèce humaine tilte. Mais 10 ans, 20 ans plus tard. Oui, trop tard. Bah, c'est comme avec les reportages où on nous sort, bah, on nous expose des vérités une fois que des voilà. sur la nocuité, la toxicité de produits, une fois qu'ils sont d'utilisation normative et qu'on ne peut pas trop revenir en arrière ou qu'ils savent que les gens ils sont trop addicts pour s'en sevrer, et bah, ils nous balancent dans des reportages. Alors là, ils jouent hypocritement les journalistes. Ah, là, en fait, il y a aussi deux paires avec ça. Un journalisme à rebours, en retard. C'est-à-dire que là, ils vont faire leur métier de journaliste, mais pas quand il le faut, pas sur le moment où ça sort. Mais ils vont le faire après, ça, trop tard. Il n'y a pas une étymologie, un mot pour ça? Bah oui, moi j'appelle ça l'indignation à rebours, l'indignation en retard. Bon, après, on peut trouver, je sais pas moi, un mot. C'est pas un anachronisme, c'est un bon mot que t'as dit, là. Hein? C'est un très bon mot, une très belle phrase que tu as dit, l'indignation à retard, etc. C'était très bien. Ouais, non, mais c'est ça, bon, ça c'est clair. Après, on peut parler aussi d'anachronisme dans le sens où toute cette indignation aurait dû avoir lieu quand le truc est arrivé, quoi. C'est comme, par exemple, avec... qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Bah, là, on va l'avoir aussi avec les e-liquides. Quand le vapotage a été amené comme concept révolutionnaire pour se sevrer, pour contraster avec exactement. Le tabagisme, et ben on nous a dit oui, on nous a pondu le mythe d'innocuité, on nous a dit c'est sans risque. Mais moi, j'ai entendu la première fois que ça a été... Il y avait des journalistes complètement tarés, je me souviens, à la télé, ils disaient, mais c'est révolutionnaire, vous allez voir, voilà. Ils vont guérir, les gens, ils vont arrêter. Après, là, 20 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, là, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Là, les journalistes et les scientifiques, ils disent que c'est toxique. Voilà. Ouais. Là, ils commencent un peu. Par contre, ils nuancent, hein, ils disent que ils veulent pas que les gens se fâchent complètement avec la cigarette électronique et son concept. Ils disent qu'il y a des préparations qui sont saines et d'autres qui sont toxiques. Bon. Moi, j'ai vu des reportages assez chauds quand même, des pseudo-débats, bien sûr, mais assez chauds, où il y avait quand même des scientifiques, ils étaient cash, ils disaient que c'était très dangereux, quoi. C'était aussi dangereux que la cigarette normale et voilà. Quoi. Peut-être même plus. Moi, je considère ça comme quelque chose de plus insidieux dans la perniciosité, dans la toxicité, parce que c'est plus sournois, quoi. C'est moins soupçonnable de toxicité. Et d'ailleurs, Trump, il veut l'enlever, Trump. Hein, il est ouais, la raison, bah... Après, j'aime pas trop quand les médias ils soulignent que c'est Trump qui porte cette volonté de l'enlever, parce que comme ils se servent de l'anti-Trumpisme pour diaboliser la volonté. Tu vois, c'est comme Zemmour quand il porte des discours de vérité, bah du coup ça salit ces discours-là et ça les rend détestables aux yeux de la masse. Donc là, ça va rendre encore l'interdiction des e-liquides détestable parce que c'est Trump qui le porte, quoi. Donc ils aiment bien, tu vois, faire signer ce genre de mesures qui en fait sont morales et sont défendables par des personnalités haïssable de la masse, quoi. Comme ça, bon, c'est des techniques de manipulation de l'opinion. Mais moi, j'avais fait deux vidéos en 2016 où j'avais bien dénoncé cette imposture du vapotage et je m'étais fait lyncher. Hein. Ah non, mais laisse tomber, Jonathan. T'as beaucoup de vidéos sur Internet où attention, c'est devenu carrément une. Comment on peut dire ça ce truc de vapotage, c'est devenu carrément un truc de messie. C'est. C'est ultra tabou d'en parler, on peut pas critiquer, c'est devenu intouchable. Attention, t'as des gens, moi je les appelle on dirait, tu sais, des espèces de gogoles, quoi, des gros. Parce que les gens, moi j'ai remarqué, excuse-moi dans cette caricature, mais ça en est une, parce que c'est des gens qui vapotent, on a l'impression de voir des gros pochetrons, tu sais, des gros gogoles, quoi. Excuse-moi, ouais, mais... je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté goujat, un côté rusto, grossier, primitif, quoi. Ouais, oui, oui. Tu sais, moi, ils me font penser à ces personnes de motobike, tu sais. Des gros volants qui sont cerveau, quoi. Ouais, ouais, bah c'est ça, hein, exactement. Moi, c'est un peu le profil. Et moi, j'avais dénoncé dans ma vidéo sur le vapotage, j'avais été plus loin que ça. J'avais dénoncé l'ingénierie en manipulation pour maintenir les gens dans la toxicomanie. J'avais dit que les vapoteurs étaient des toxicomanes qui s'ignorent et qui croyaient être sortis qui ont quitter une forme de toxicomanie, donc le tabagisme, pour en rejoindre une autre, et qui du coup fondait sur le vapotage, faisait reposer tout un sentiment de s'être sevré, qui était en fait un sentiment illusoire, irréaliste. Alors là, quand j'ai balancé ça sur Internet, j'ai piqué au vif certains vapoteurs, et des gens en fait qui ont fait reposer toute une conviction de s'être sevré, d'en avoir fini avec les consommations toxiques sur ce vapotage. Donc ça les a piqués au vif dans leur ego et ils ont été très violents. Hein. On m'a souhaité de la mort, on m'a dit que je devais être même tué pour ce que j'avais dit. Il y avait des commentaires très très graves hein, qui avaient été postés en dessous. C'était un vrai lynchage. Hein. Pourtant, je leur répondais, vous êtes vraiment des ordures de fachos hein, de vouloir exiger la mort de quelqu'un juste parce qu'il a posté une vidéo sur YouTube de quelques minutes qui vous déplaît. Non, quoi. Mais c'est des gros mongols. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les gens qui fument la chicha. D'ailleurs, c'est le même principe à peu près. Ah oui, ça aussi. Et c'est, ouais. Pour moi, c'est ultra toxique. C'est encore pire que la cigarette normale. Oui, c'est en vapeur, quoi. C'est donc, Jonathan, c'est chimique, c'est toxique. Et les Arabes, ce sont des gros menteurs et des pervers. Hein. Ça a été démontré scientifiquement que l'inhalation de trucs toxiques par vapeur était plus toxique parce que du fait que c'est pré-vaporisé, ça rentre plus le facilement. Problème, c'est le liquide quand il chope, il est toxique. C'est le fait que, voilà, comme tu dis, d'inhaler ce liquide est toxique. En vapeur. Quoi. Ouais, et d'autant plus quand c'est en vapeur, je crois, parce qu'il me semble qu'ils ont démontré que c'était plus assimilable, du coup, par l'organisme. Alors, plus... tu vas être mort de rire. Tu sais ce qu'il m'avait dit une fois, un vapoteur, sur Internet, il m'avait dit, à l'époque, que le vapotage n'était pas du tout toxique, et la fumée n'était pas du tout toxique, et le fait d'inhaler, parce qu'il disait que c'était pareil que le hammam. Mais quel rapport, putain de merde. Tu sais quoi, quand il me l'a écrit, j'étais mort de rire, hein. Tu m'étonnes. C'est tellement ridicule. Parce que ça n'a aucun rapport, désolé, mais quand tu vas dans un hammam ou dans un sauna, c'est de l'eau. L'eau n'est pas toxique en soi. Bien sûr. Donc ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Alors là, c'est pas du tout de l'eau, puisque c'est le liquide en soi qui est toxique. Et le fait de respirer ce liquide en vapeur, c'est toxique. Alors que le hammam, moi je suis déjà allé dans un hammam et un sauna, c'est de l'eau chauffée tout simplement, hein, voilà. Hein. Et puis pour couronner le tout, les liquides contiennent des substances cancérigènes qui sont mélangées avec de la nicotine. Et moi, c'est voilà, ce que j'avais dit dans la vidéo. Donc j'avais bien montré qu'un mélange aqueux, donc sous forme d'eau, de liquide, de produits cancérigènes avec de la nicotine, rendait... Quand je voulais finir... Il y a très peu d'eau dedans. Le mélange de ces substances cancérigènes avec de la nicotine va rendre fatalement ces produits cancérigènes addictifs, du fait que la nicotine va s'y mélanger. Exactement. Le caractère addictif de la nicotine, il va être donné à ces substances. Et c'est pareil, donc en fait, ils ont quitté le tabagisme pour un néo-tabagisme qui est encore plus sournois, mais qui est sous la forme de ce vapotage. C'est ce que j'avais dénoncé. Alors là, il y a des gens, ils pétaient un câble hein, quand ils étaient tombés sur ma vidéo. Parce que, j'allais plus loin, je dénonçais aussi l'industrie qui était faite sur la toxicomanie. Je disais qu'il y avait une ingénierie dans cette société pour maintenir les gens dans tout un tas de formes de toxicomanie, un peu comme avec la fausse dissidence et les pâtres, tu vois, on avait très bien parlé. Voilà. Il y a des gens, ils passent leur vie à quitter une forme de toxicomanie pour une autre. Après, ils croient qu'ils sont sevrés, mais en fait, ils ont rejoint une autre forme de toxicomanie et ils font que ça d'être ballottés. Comme les faux dissidents sont ballottés d'un pâtre à un autre, mais ils restent toujours dans un enclos de la fausse dissidence, quoi. Donc voilà, je dénonçais ça et puis je disais qu'il y avait tout intérêt donc pour les tenants de cette industrie fondée là-dessus, hein, fondée en partie sur la mauvaise santé, sur la mort même aussi, de maintenir les gens dans cette illusion et dans un statut de toxicomane qui s'ignore. Voilà, j'avais poussé le raisonnement assez loin. Bon, j'avais dit des trucs plus subtils que ce que je viens de dire. Et donc, comme je dressais un tableau global et général, ça les ramenait à une réalité qui se prenait dans la gueule. Et donc, il y en a, ils réagissaient violemment, quoi. Donc, ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Mais moi, j'ai remarqué, la plupart de ces personnes-là sont, on dirait, des hippies, quoi. Il faut le dire, des hippies, des religieux, et des gros mots. Tu sais, mais, ouais, des gros bolos à motard, quoi, avec des boîtes en Santiago et compagnie, quoi, et blabla, quoi, avec les bouteilles de Heineken et les packs de Heineken à côté. Et moi, ils me font penser à ça. Et d'ailleurs, le gars qui m'a répondu que c'était égal au hammam et au sauna, j'étais mort de rire, j'étais plié en deux. Et j'avais de la peine pour lui. Oui, ils font pitié. Il faisait pitié, le mec. Bah oui, parce que le mec, il est dans, il fait pitié à recourir à ce genre de pseudo-argument ridicule pour essayer de... C'est pas un argument, il faut être sérieux quand même. Pour essayer de se dépatouiller dans sa merde, là, en lisant. Non, mais... Non, mais ces gens-là me font penser, ouais, à des gens qui ont des Santiago et des Neken à côté, et leur vapotage à côté. Ça a gerbé, c'est vraiment à gerber. C'est des ridicules, je m'attends. Inouï, c'est des ridicules inouïs. Ouais, puis c'est une lâcheté, comme je le dénonçais, c'est une lâcheté de se reposer là-dessus pour essayer de se sevrer. Celui qui veut se sevrer du tabac, eh ben, il le fait comme un grand, il n'a pas besoin d'une béquille ou de... Voilà, il prend la décision ferme. Alors ça, ils ne veulent pas le comprendre parce qu'ils sous-estiment la puissance de la fermeté morale. C'est une question aussi de principe, c'est comme pour l'addiction au porno. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut des principes moraux, il faut se dire, je vais prendre la résolution fermement d'arrêter et être motivé pour ça et se tenir à des principes fermes. Mais bon, eux, ils croient pas au pouvoir de la volonté, ils croient pas au pouvoir de la morale et de ses principes et de la rectitude. Donc ils te disent, d'ailleurs les médias ont fait un travail pour ça, je me rappelle, j'ai souvent entendu des émissions où ils rabâchaient suspectement que la volonté ne suffit pas. Alors certes, la volonté ne suffit peut-être pas, mais sans elle, il n'y a rien qui se fait. En parlant de ça, oui, il y a beaucoup de reportages de ça. Ce mot est revenu souvent. Oui, parce qu'ils encore, veulent, en fin de compte, inciter les gens à ne pas croire au pouvoir de la volonté et à se reposer sur d'autres choses. Alors, en se reposant sur les autres choses, mais sans avoir la ferme volonté d'arrêter, eh ben, c'est au contraire le repos sur ces autres choses qui suffit pas. Il faut obligatoirement la volonté avec. Alors, la volonté à elle seule, peut-être qu'elle va pas suffire. Mais eux, ils font une propagande pour dire qu'elle n'est pas indispensable, quoi, en fait. Voilà, c'est là où ils veulent emmener les gens. Alors que non, il faut quand même, si tu n'as pas la volonté, tu vas te voiler la face, tu vas te reposer sur des trucs, mais tu vas replonger quelques temps après, quoi. Voilà, puisqu'il n'y aura pas la volonté solide, quoi, et constante.